ça, j'ai du style. Hein, ça. À la Jay. Bon, Romain. Besoin de quitter la pesanteur terrestre. Ouais. Besoin de quitter la pesanteur terrestre. Le cerveau est lourd. Le cerveau est lourd. Le cerveau est lourd. Yeah. À l'heure où Cupidon a vendu ses fléchettes en démol. Sur internet, les pédophiles vont à la pêche avec des lol. Le monde est stone, poteau. Faut travailler plus pour gagner plus, puis on finit heureux. Comme les employés de France Télécom. Oui, on déconne avec l'écologie. Faut réagir, notre confort technologique a assassiné Haïti, des colonies en 2010. Et je te parle pas de la Palestine. Combien de pays démocratiques emploient des présidents d'Afrique, l'ami. Le taux de suicide n'inquiète personne à l'Elysée. Préfère parler de la burqa que de la violence dans les lycées. Quand je regarde les chaînes télévisées et leurs émissions à la con, je me dis que Marc Dorcel sera bientôt notre ministre de l'éducation. À la maison, les parents craquent, investissent au loto. Car ce qui coûtait hier 5 francs coûte aujourd'hui 5 euros. Pour être heureux, certains prennent des antidépresseurs, ou d'autres comme moi prennent l'ascenseur pour aller sur la lune. Les problèmes du monde me paraissent petits quand je les vois depuis la lune. Sur la lune, tous mes rêves flottent, je balaye la poussière d'étoiles avec ma plume. Sur la lune, je marchais, yeah. Un petit pas pour l'homme, un grand pas pour ma liberté. Sur la lune, sur la lune, yeah. Sur la lune. J'ai le mal de terre depuis gamin, un besoin aérien. Car dans le cœur des hommes, la température a sorti les sapins. Donne-moi les clés de ma cellule, que je vois à quoi me sert mes ailes. Ma vie a beau prendre la pilule, mais elle n'accouche que des problèmes. Bien sûr je l'aime, ma vie débloque, mais à la manière de Kurt Cobain, avec un fusil dans la gorge et de l'amertume dans mes poèmes. Oui mec, je traîne toutes les séquelles d'une jeunesse prise à la gorge. Car ici, quand t'as la dalle, tu finis par bouffer ton auréole. Ici on juge à ta couleur ou ton adresse, donc ça met la cagoule pour que t'évites le délit de faciès. Mais oui, ça fait la sieste au fond de la classe. Car encore une fois, papa et maman ont passé la nuit à se taper et à boire. Entre les guerres de religion, l'extrême consommation, dans cette société qui joue à guichet fermé dans les prisons. Pour ne pas perdre la raison, je préfère vivre dans ma fiction, la tête dans les nuages pour aller voir des étoiles par millions. Pesanteur terrestre pour ne pas devenir fou. Allié. Le cerveau est lourd. Ouais, le cerveau est lourd. Le cerveau est lourd.